c'est Rambobine. 97.3, c'est la fréquence sur laquelle vous êtes si vous nous écoutez sur un transistor. Mais peut-être avez-vous téléchargé cette émission sur l'Internet mondial. Bon, que vous soyez à l'écoute en direct ou en différé, je vous souhaite la bienvenue pour cette 4e émission de Rambobine sur la radio La Locale, à Saint-Giron et ses alentours. Enfin, en tous les cas, nous, on est à Saint-Giron. Et comme on commence gentiment à prendre l'habitude de s'écouter une fois par mois, nous sommes bien le premier lundi du deuxième mois de cette 2019e année, selon le repère de Jésus-Christ. Ce soir, on rembobine et on fait pause sur ce magnifique documentaire sonore de 54 minutes et 58 secondes qui s'appelle « Quand la mer se retire ». En voici une petite présentation. « Quand la mer se retire » est le portrait sensible, intime et coloré d'Aurélie. À la veille de ses 34 ans, Aurélie apprend qu'elle est gravement malade. Un an après l'annonce de cette maladie, c'est ici que commence l'histoire. Une histoire vivante, une histoire animée, pleine d'humour et de joie, autour des moyens qui mènent à la résilience lorsque le fil vient à lâcher. Un récit sonore sur la catastrophe, sur la maladie, sur la vie, sur la mort et sur ce qu'il y a entre. Depuis l'autre côté du miroir, Aurélie s'est vue, à la fois très proche et à la fois très éloignée d'elle-même, comme si elle regardait une autre femme, vivre ce qu'elle traversait. À l'aide d'un micro, elle se met à distance. Elle tente de faire d'elle-même un objet curieux, un objet d'étude. Elle se dédouble alors pour mieux se protéger et finit par se rencontrer. Ensemble avec Pierre, son compagnon, ils tissent la toile d'un récit coloré qui traverse le temps, à la recherche de l'existence et d'une vérité qui leur appartient. Bonne écoute. Il y a une grande étendue de pelouse là, une sorte de prairie au milieu des bois avec l'étang de la forêt de la Cambre. Et donc quand on arrive au bord de l'étang là-bas, on le voit de très loin. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait il y a des... Je sais pas si c'est des scouts. On dirait, ouais. Qui ont élu domicile au pied de notre arbre. C'est un peu perturbant, mais en même temps, c'est assez joli, hein, finalement, d'avoir tous ces mouflets là qui tournent. qui servent de notre arbre comme de QG. C'est drôle. Ça cavale dans tous les sens. En fait, on cherchait un arbre à. Auprès duquel se réconforter. C'était le but. On l'a vu, on s'est dit, ouais, c'est celui-là. Il est seul au milieu contre tous. C'est lui qu'il nous faut. On s'est mis contre lui et puis on l'a pensé très fort. Est-ce qu'on peut te prendre de l'énergie, quoi ? Est-ce que tu peux nous donner de l'énergie ? On en a besoin. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est de se dire, bah, là, on est à l'abri. Là, en tout cas, là, on est à l'abri. Lui, il va prendre soin de nous. S'il a tenu autant de temps, c'est qu'on peut, compter sur lui, quoi. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est le repère. Tu sais que quand ça vacille ou que y a des choses qui s'effondrent autour de toi, l'arbre, il est là, quoi. Quand la mer se retire. Un documentaire d'Ekaterina et Aurélie. finalement tu t'es dit jusqu'à présent, mais c'est quoi le sens de ma vie? Il faut que je sois engagée politiquement. Je vais pas faire des enfants comme ça par-dessus la tête. Une histoire d'amour, des histoires d'amour, des enfants, pas d'enfants, un chien, pas de chien. Allaiter, manger des fruits et légumes, arrêter de fumer. Ouais, mais bon. C'est défaire de ces pressions sociales. Parce que on dit toujours c'est la société, c'est quoi la société? La société c'est nous, hein. C'est nous qui nous imposons tout ça. Ouais, voilà, d'être dans cette normalité, dans cette norme qu'on s'impose et qu'on croit devoir s'imposer. Et finalement, on peut s'inventer notre vie. Sienne. Je tiens la main de Pierre. Il est mon pont. Il me maintient au-dessus du vide. Sous mes pieds, le gouffre. Il faut pourtant que j'avance, que je me lève, que je marche. Rien ne me différencie des autres aujourd'hui. Encore personne ne le voit, personne ne le sait, personne ne doit le savoir. Et pourtant, tous ont su. Le cancer, empreint des maladies, terrorise. Intrigue, inquiète, ici elle, pourquoi pas moi? Pourtant, toujours cette certitude, ce ne sera pas moi dont nous faisons peur comme des enfants. Je ne suis pas comme les autres, je disparais progressivement sous le manteau de la maladie. Le malheur me frôlera, mais ce ne sera pas moi. Je vois la lumière du monde des autres, les vibrations de leur questionnement. Je suis jeune, trop jeune. Et puis un jour le malheur est là, la maladie est là, elle m'apprend que nous sommes. Le cancer terrifie chaque action. Curieusement, cette idée me rassure. Alors, et aujourd'hui encore. Parfois, j'imagine un monde dans lequel je vivrai, auquel m'auraient amené d'autres choix, d'autres rencontres. Et toujours, j'en arrive à me dire que cette vie, peut-être, est la 50e. Je me demande si j'ai pas fait n'importe quoi. Et si on n'entendra rien du tout. Au pire, je recommencerai demain matin. Donc c'était le jardin de Beng Mei, 7 décembre 2017. À 8h20. C'est mon médecin désormais. Il ferme la porte derrière nous. Il est immense. Il me fait penser à un Bouddha. Il est très très sérieux. Il est trop sérieux. Sur les étagères de son cabinet, des statuettes égyptiennes. Je reconnais le buste de Nefertiti. Je cherche de ses yeux une accroche, une lueur, un signe qui me rassurerait. Zone concernée, de Saint-Marc à l'Aiguillon. Dès la première rencontre, il m'a dit « Je vais être très claire avec vous. Mon métier, c'est de vous dire la vérité. C'est pas de vous faire plaisir ou de vous rassurer. Mais vous pouvez me faire confiance, je vous dirai la vérité. » Mais la vérité, c'est quoi ? Vous voulez parler de mes chances de survie ou mes risques de mourir ? Et il m'a dit « Oui, oui. » Et là-dessus, je ne peux pas aujourd'hui me prononcer. Parce que là, la question, c'est de te sauver ou pas. Il avait dessiné au stylo bic trois petits points sur un dessin. Je sais pas si tu te souviens. Pour moi, je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Mais c'est 2014. Je tenais la main d'Aurélie fermement. Ils ont commencé à dire, voilà, c'est l'année la plus chaude, voilà, les tornades aux États-Unis, voilà, machin, voilà, truc. Aurélie a tout de suite craqué quand il lui a expliqué avec ce dessin-là, avec ce schéma-là. Et moi, j'étais, bon ben, c'est pas grave. Je la tenais, je tenais droit. J'avoue que j'étais un peu complètement sonné. Mais je me disais, faut que je tienne droit, voilà. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais... Je commençais à sentir que ça allait pas trop, quoi. Tu entends ce qu'on te dit, mais ça veut pas dire que tu comprends. Et là, en fait, on s'est regardé avec Aurélie, et puis... Et donc, je me disais, ce que tu vis, toi, c'est une catastrophe intime, dans un contexte un peu catastrophique. C'est comme si ce qu'on avait fait subir à la planète se retournait contre nous, quoi. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Enfin bon, bref. Catastrophe, je trouve que c'est un mot qui fonctionne bien, non ? Je sais pas. Et donc, il nous explique, ben voilà, là, il y a trois tumeurs. Il va falloir procéder à... J'ai eu l'impression de tomber. J'ai vraiment eu l'impression de chute. C'est un peu quand on est pris dans des lames de fond à la mer. Tu vois ? On est pris dans une lame de fond, on remonte à la surface et paf, il y a un nouveau rouleau qui nous tombe sur la gueule. Ben là, à chaque nouveau mot de l'oncologue, ça me faisait un peu ça en fait. Et on était tous les deux... un peu vraiment perdu dans cet hôpital. Ouais. On était un peu perdu. Aurélie, pendant un moment, était au téléphone avec sa mère. Je lui ai dit, je sors deux secondes. Et là, je suis sorti. Le jour du diagnostic, quand est-ce que c'était ? Pierre disait, Aurélie, elle a reçu des armoires sur la tête, je ne sais pas comment elle est encore debout. Il disait, on croyait que c'était fini, il y avait un autre truc qui tombait, toujours un autre truc qui retombait et tout. Enfin, c'était une journée de cauchemar absolu, quoi. On les a laissés à Paris tous les deux. Ils sont allés chercher des plantes chinoises d'un côté de Paris. Ils ont retraversé Paris à vélo, alors qu'ils étaient à l'hôpital depuis 7h du matin. Je dis, mais... J'étais effrayée, moi, j'étais terrorisée. Je ne comprenais pas l'énergie qu'elle avait, quoi. Et quand on est parti le jour de l'hospitalisation, quand on les a laissés là, bon, moi, j'étais en... J'avais pété les plombs, je crois. Enfin, je voulais absolument pas qu'on y touche. Enfin, j'étais complètement hors de raison. Et donc, à 11h du soir, j'étais debout dans la chambre en train de me rhabiller. Et Roger qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, bon, on va la chercher, on peut pas la laisser. C'est juste pas possible. Elle a voulu que j'aille avec elle au premier pansement aussi. Elle voulait vraiment que je sois là, comme pour être assurée, quoi. C'était un truc impossible à voir et à accepter. Mais enfin, je l'ai fait. Elle voulait que je regarde. Et quand je ne devais pas être très à l'aise, parce que quand je suis rentrée, elle m'a dit, t'es pas obligée de regarder, en fait. Puis après, elle me dit, tu vois, maman, c'est bien. Je lui ai dit, oui, la cicatrice était parfaite, effectivement. J'ai rarement vu une cicatrice aussi belle. À mon avis, on a dû sortir un peu parce qu'il y a un très joli parc dans cet hôpital. On avait dû y aller parce qu'il faisait beau ce jour-là. Bah, du coup, on a pu avoir une chambre, moi et Aurélie, une chambre avec vue. On avait une très belle vue sur Paris. Tous les soirs, on avait un magnifique coucher de soleil sur la tour Eiffel et tout ça. C'était très beau, hein. Il y avait un truc paisible et doux de mes souvenirs de cette semaine-là. Ça n'a pas été le plus dur de ce qu'on a vécu. Je me rappelle, on était dans ce couloir d'hôpital et j'essaie de trouver de la musique et à faire écouter à Aurélie qui la tranquillise. Il y avait notamment une chanson de Jean-Louis Murat. Les paroles me reviennent plus du tout. Mais c'est un air très doux. Ça pourrait être une berceuse, en fait, un peu, cette chanson. Et je me rappelle très bien de ça. Aurélie avait sa tête contre mon épaule et je lui fredonnais cette chanson. Mais inlassablement. Tu vois? En boucle. Enregistrement de Mousse au saut du chevreuil, le jour de la mort de Johnny. Qui commence à tomber. C'est vrai que souvent on tourne dans des ordres, des scènes. Moi je trouve ça assez intéressant de fois fasse, de savoir où va le personnage, même des fois tu la fin du aussi, film au début du tournage, de tourner la fin du film au début, parce qu'après on va pouvoir justement je me mets au-dessus de la baignoire composer, voilà, une, en sachant où vous allez, vous pouvez venir avec moi là, hein, oui, sur voilà, la chaise, on sait où on va, on sait ce qu'on a déjà tourné, on passera la spie, vers quoi on va, et à d'autres moments on est dans la chronologie, bon allez go, on tourne chronologiquement, donc dans ce cas-là effectivement chaque étape du personnage l'une après l'autre. Et une chose que je trouve vraiment importante, c'est de ne pas arriver avec des idées préconçues de la scène qu'on va jouer le jour même. De J'aime la notion de préparation. J'aime arriver le matin. Mais il est sympa, Redab Kateb. Il a l'air sympa. Comment ça va se passer? Peut-être on est moins dans la situation. Oh là là, à quoi je vais ressembler après? Je vais avoir une tête d'œuf. Hein, Toto? Tête d'œuf. Allez, c'est parti. Sporty. Potty. Where is the tondeuse? T'es prête du tout? Ouais. Ah, ça pique un peu. Ça pique un peu, hein. C'est normal, hein. Que ça pique ou que ça... Ok, vas-y, go. Ça fait peur. Ah, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, c'est le métal qui te fait mal. Non, mais je sais pas, c'est normal si c'est. Je vais essayer d'y aller doucement. C'est juste. Enfin, je veux dire, c'est sécurisé? Oui. Comment ça, c'est sécurisé? Mais je sais ça, pas me couper la tête. Il n'y a rien qui coupe en même temps. Ok. Ok. Tout commence par un petit détail, insignifiant. Il pourrait l'être et puis il ne l'est pas. Ce détail envahit l'espace et puis soudainement, il brise le cours du temps. Il le ralentit, l'accélère, le dilate, le tord. Tout est brumeux. Sortie de métro, sous le soleil caressant de septembre. Nous sommes assis, chacun dans nos pensées. Des paroles banales, sur le temps, les gens, les appartements. Puis, la décision est prise de manger quelque chose. À la terrasse, d'un des restaurants préférés de ma fille. Aucun souvenir de ce qu'il y avait dans nos assiettes. Une infinie tristesse au moment de la laisser, au moment de laisser ma fille et son compagnon longer les murs de l'hôpital, appuyés l'un sur l'autre, marchant vers leur destin. Montagne d'angoisse et de terreur. Elle, silhouette frêle, pantalon rouge, corsage blanc, des pois rouges, comme des taches de sang. Lui, plus fort, rassurant, chaleureux. Dossier médical oublié, je cours vers eux. Troublé de déranger cet instant gravé dans mon cœur à jamais. Ce soir-là, au milieu de la nuit, j'ai voulu venir la chercher pour empêcher des chirurgiens d'abîmer son corps, retenu difficilement par son père. sur la plage de la Roche Percée, 8 décembre 2017. Par exemple, quand je me balade à la mer, souvent avec Pierre d'ailleurs, j'ai toujours en tête le fait que la mer monte. Donc je lui dis, ah non mais attends, si on passe par là, quand on va revenir, elle sera montée. Il me dit, ouais, ça va, c'est bon, on a le temps. Je lui dis, non mais attends, ça monte super vite quoi. Ça monte à la vitesse d'un cheval au galop. Il me dit, non, de quoi Et c'est vrai, dans la baie du Mont-Saint-Michel, elle monte super vite. Quand la mer se retire, elle découvre plein de choses qui étaient sous l'eau en fait. C'est comme si justement ses respirations étaient plus longues. T'as la sensation que les vagues s'étalent plus en fait. Et puis, elle récupère l'eau comme ça et puis elle se répand. Il y a un truc physique qui est assez... c'est beau quoi. Une anémone. C'est une anémone morte. Bon, la bichette. Elle s'est faite détacher du rocher en fait. C'est tellement extraordinaire finalement, parce que c'est rare. J'ai des femmes de mon âge qui ont un cancer du sein. Au début, je voulais pas que les gens sachent. Tu vois, j'étais tellement terrorisée à l'idée que mon corps allait changer, à l'idée que j'allais perdre mes cheveux, que je voulais plus me montrer en fait. Je voulais plus être à côté de femmes qui étaient entre guillemets entières, entre guillemets normales. Tu vois, je voulais pas pouvoir avoir d'éléments de comparaison. Parce que là, pour le coup, autant parfois tu te dis dans la vie, t'es en pleine forme et tout, oh, je suis un peu moche, elle est mieux roulée que moi ou je sais pas quoi. Autant là, je veux dire, t'as pas de cheveux, pas de sourcils. Tu vois, y a pas photo quoi, hein, tu vois. C'est plus par rapport à moi-même finalement pour me protéger, je crois. Et aussi du regard des autres parce que les gens s'y attendent tellement pas. C'est-à-dire que d'un coup, toi, tu es du côté de ceux. Qui ont vécu ça, donc t'es différent d'eux en fait. Toi, t'as vécu le truc que la majeure partie des gens redoutent le plus, quoi. Tu vois, dès que tu dis ce mot-là, tout le monde te regarde. Une fois que t'es passé par là, que t'as à moitié disparu socialement, que tu t'es effacé physiquement, il y a un truc, tu te regardes dans ton miroir et t'es complètement imberbe. Comme un verre. Et donc quelque part, c'est comme si je m'étais progressivement floutée, tu vois. Comme si on gommait mon image d'avant et qu'après elle se redessinait petit à petit avec mes cheveux qui poussaient, un peu frisés. Et surtout, je me suis dit, mais ton corps, c'est toi. T'es un tout. C'est pas ton corps qu'il faut que tu entraînes, qu'il faut que tu muscles, qu'il faut que tu scies. C'est toi. Thank you. voyage à faire, le voici. Lève-toi, quand ton fil se mélange à la carte du ciel. Rien ne me différencie des autres. Aujourd'hui encore, personne ne le voit, personne ne le sait, et personne ne doit savoir. Pourtant, tous ont su. D'ailleurs, oui, je t'avais raconté que je lui avais dit au revoir à mon sein. C'est-à-dire que la veille, au soir, J'ai pensé intérieurement, j'ai dit voilà, merci pour tout ce que tu m'as donné, tu faisais partie de moi, mais maintenant tu es malade, on doit se débarrasser de toi, c'est pour me sauver, etc. Mais voilà, tu feras toujours partie de moi, enfin un truc comme ça, complètement new age. Bon, bah écoute, ça m'a aidé à traverser ce truc quoi. Rest in peace le sein quoi. Putain, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Tu vois, parfois j'y pense et je me dis, tu vois, d'un coup je suis sur la table d'opération, moi je suis complètement endormie, mais ils ont pris mon... La chirurgienne, elle a pris le sein dans ma main, tu vois. Elle l'a mis de côté, puis après ils l'ont disséqué dans tous les sens pour savoir où était la maladie. Faudrait que je demande, tiens. À mon avis, il va se dire encore, elle est complètement frappa, celle-là. Je lui pose à chaque fois des questions où il a l'air un peu dubitatif. Genre. Pourquoi ? Pourquoi cette question ? C'est parti la bande-son ? C'est enregistré ? Ouais. Attends. Aurélie, t'es prête? Je suis prête. Tu fais ton petit... Lana Cruz, ça s'appelle Lana Cruz. Chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. C'est une petite souris. En porcelaine, un jouet, un petit truc d'enfant du début du siècle, je pense. Articulé comme ça, très joli, que j'avais trouvé à Avignon et que j'avais offert à Aurélie. Et cette petite souris était posée sur la cheminée. Et j'étais au téléphone avec Aurélie. Et en fait, il y avait eu un courant d'air. Il y avait eu une bousculade là sur la cheminée et elle était tombée, la souris. Elle était tombée, donc elle s'était cassée. Et je lui dis, ah merde, il y a la souris qui est tombée, qui s'est cassée. Et alors pour Aurélie, qui est assez superstitieuse, c'était pas un bon présage du tout, quoi. Tout ça pour dire que quand on est revenu ce vendredi soir à la maison, mon premier souci, ce à quoi je pensais, c'était de réparer cette souris, en fait. Donc on est rentré, je pense qu'il était, ouais, je sais plus, il était 8-9 heures. J'ai fait à manger à Aurélie, elle était exténuée, elle s'est couchée. Moi j'étais dans, je saurais pas dire dans quel état j'étais, mais j'ai mis mes chaussures de running, je suis allé courir aux étangs d'Ixelles. J'ai couru jusqu'à ce que j'en puisse plus. Il était 10h30, 11h par là. Je me rappelle, il y avait des gens qui faisaient la fête à Flagey, tout ça. Et puis je suis revenu, et là, voilà, fallait que je répare cette souris. Et que Aurélie, à son réveil, ait cette souris réparée, en fait. Je sais pas jusqu'à quelle heure, j'ai passé une partie de la nuit à très minutieusement à réparer cette souris. Je lui avais fait une espèce de petite... une petite boîte en bois dans laquelle j'avais mis plein de coton. Et j'avais mis la souris réparée dans sa petite boîte avec plein de coton. Et j'avais posé la souris comme ça, délicatement, sur la table de chevet d'Aurélie. Comme ça, dès qu'elle se réveillerait, elle aurait cette souris réparée là, quoi. Que la vie est belle. Ça va, t'as envie? Oui, ça va. Ça va, mon crâne il est pas trop blanc? Non, non, ça va. Ça te fait mal, hein? Non, c'est pas agréable. C'est pas agréable? Non. Tu peux finir. D'accord? Ok. Mais dis-moi si tu penses à la part. Oui, ça va. Hein? Tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va ou pas? Le sabot, il est... Le sabot, il est quoi? Non, mais c'est juste ça pique. Ça, ça pique? C'est normal. Hein. Ça pique ou ça griffe? Attends, je sais pas. Arrête. Dis-moi ce qu'il y a. Explique-moi ce qu'il y a. En fait, j'arrive pas à savoir si ça pique ou si ça griffe. Ben, quoi qu'il en soit, si ça griffe un peu, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben voilà, ça doit être ça, alors. Oh, putain. C'est bon? Oui. C'est fini? Ferme les yeux. Je ressemble à mes frères, non? Oui. Putain, ça a l'air d'avoir coupé très très court quand même. Ah bah j'irai assez, hein. J'ai plus de cheveux du tout. Ben, t'as rasé? Ça va? Oui. Je suis pas trop moche. Non, du tout. J'ai l'air moins tibétain. Tu veux pas t'enlever les picots que t'as dans les yeux, là? J'ai les picots dans les yeux. Un gros picot. Parce que j'ai pleuré hier. Bon, je vais me regarder. Ou je me lave d'abord. Lave-toi d'abord. Ouais, je me lave d'abord. tentative de tourterelle à la roche percée. Comme si je m'étais rendu compte qu'en fait, dans moi, j'avais un bouton. Hein, et que si j'appuyais dessus, je devenais une espèce de machine indestructible. Parce que j'étais vraiment indestructible. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui pouvait m'atteindre en fait à ce moment-là. Tout le monde me disait, mais tu vas y arriver, t'es une battante, tu vas t'en sortir, tu vas machin, du truc. Et tu me disais quoi ? Et si je suis pas une battante, ça veut dire quoi être une battante ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le sont pas et qui restent au bord de la route ou qui crèvent ? On est programmé pour avancer, on avance, soi. Et quelque part, mon but, c'était un peu d'emporter Aurélie là-dedans. De pas lui laisser d'opportunité de glisser vers du désespoir ou quelque chose comme ça. Donc finalement, moi, ma position à moi, c'était de servir de barrière pour résister à tout. Et pour ne pas la laisser glisser. Il est une infamie. Et toujours le malade est coupable. Coupable de subir un sort. Coupable d'avoir stressé, mal mangé, trop bu, trop fumé, pas eu d'enfant assez tôt. Coupable aussi de faire souffrir ses proches. Coupable d'avoir laissé s'installer une maladie insidieuse qui désormais sera partie de sa vie. De ma vie, de celle des amis, des amoureux, des êtres aimés. Je suis en train de mettre le disque de Jean-Louis Murat, qui s'appelle « Amour n'est pas querelle », que j'ai en disque vinyle. Quelque part. C'est ouf, hein, maintenant, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Ouais, hein. Ça fait... C'est tellement bien écrit, hein. Tu peux isoler chaque vers, hein. C'est magnifique, quoi. La musique, avec... ouais, avec les corps... Mais moi aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Ouais, moi j'ai un peu... ouais. C'est très bizarre, à la fois j'aime beaucoup cette chanson. Et elle me fait une sensation de cocoon. Mais en même temps... elle est un peu triste, quoi, aussi. Hein ? Elle est joyeuse, mais elle rappelle quand même des moments un peu difficiles, quoi. C'est ça que je veux dire. Toi, t'as oublié ? Enfin, tu les as pas reliés à ça ? Ouais, non, je les associe plus... Ça reste un peu quand même. Mais bon. Voilà. Bon, écoute, un petit Sonic Youth maintenant. Oh non ! Pas Sonic Youth. Attends, je vais te faire écouter la chanson de Marlène Dietrich que j'ai trouvée. Pierre, comme ça tu vas voir si tu la connais ou pas. Trop belle cette chanson. Qui peut dire où vont les fleurs? Ah oui, bien sûr. Du temps qui passe. Je savais pas que c'est Marlène Dietrich qui chantait ça. Où sont les fleurs du temps passé? Quand j'ai appris que j'étais malade, j'étais en colère. Genre les paroles, c'est genre préserve ou un truc comme ça, non? Et j'avais besoin de donner un sens à ça. Mais c'est vrai que c'était très, très intime. J'avais pas envie de faire du micro un confident. Et donc le mec il racontait qu'il écoute ça tout le temps. Ah oui. Écoute ça en boucle. Pour se mettre la patate. De bon matin. Elle était trop belle Marlène Dietrich. Je voulais pas que ce soit plaintif, je voulais pas que ce soit intrusif, je voulais pas que ce soit déplacé. Il y a plein de reprises, hein. Truc allemand, truc français, truc anglais. J'avais envie de passer le message de cette épreuve-là, de faire quelque chose qui résonnait avec ma catastrophe à moi, tu vois. Mais où sont tous les garçons du temps passé? Trop belle. C'est un endroit où tu vas expérimenter ce que c'est que la vie. Moi, j'ai eu la sensation de me pardonner, d'être hyper indulgente avec moi, comme je n'ai jamais été avant, en fait, tu vois. Quand tu vis un truc comme ça, il faut juste être là, en fait. Juste être là, c'est déjà énorme. J'avais entendu un truc, tu sais que les arbres étaient tout le temps en mouvement. C'est comme un énorme muscle en fait. Là on a l'impression que c'est immobile. Et pour que rien que cet arbre tienne debout et qu'il supporte toutes ces énormes branches, c'est une énergie développée considérable à chaque instant. Ça nous surpasse en fait. Il doit avoir combien de siècles? Je sais pas, je dirais. Il doit avoir au moins 200-300 ans cet arbre. Et qu'il en a vu. Des petits êtres comme nous. On lui fait des câlins. Moi j'avais jamais fait ça avant, c'est génial. Hein. Et des fois, on se donne la main. Je suis complètement amoureux de mon arbre. Tu te dis, bon, bah, voilà, ça m'arrive, mais moi, je suis pas grand-chose par rapport à un arbre qui a 300 ans, par rapport à la mer. Et en fait, de se sentir pas grand-chose, ça te calme, quoi. Tu te dis, bon, bah... Je suis là, je passe. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit « Ah mais en fait, je crois que j'ai compris ce que c'est que le cancer. » Il a fait « Ah bon ?» Je dis « Bah oui, j'ai compris que c'était un hasard complet, que c'était la faute de rien ni personne. » Et il m'a dit « Oui, c'est ça. » Que c'était donc juste comme se prendre un piano sur la tête ou un bus sur la route, quoi. Et il m'a dit, oui, c'est exactement ça, c'est pas autre chose, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui dysfonctionne et après ça va se propager, mais c'est la faute de personne, quoi. Ok, 1, 2, 3. Vas-y. Quand la mer se retire, une réalisation de Aurélie Boudet et Ekaterina Vidic avec Aurélie, Pierre, Iloumaé, Jacqueline, Roger. Mise en onde et mixage Jeanne de Barcy. Musique originale. Micus nul. C'est bon ? Oui. Il y a un remerciement qu'il faudrait peut-être faire. C'est le phare d'Ecmeul. Alors nous remercions la mairie de Pamar pour nous avoir permis d'accéder au phare d'Ecmeul. Non mais je sais pas, tu veux quoi là ? Oui, c'est bien ça. Nous tenons à remercier la mairie de Pamar dans le Finistère pour nous avoir permis un accès privé au phare d'Ecmeul. Une production Babelfish, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique. C'était « Quand la mer se retire » sur le 97.3 à Saint-Girons et ses alentours. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2018. Le concept, la réalisation, la prise de son, enfin les prises de son et le montage ont été faits par Aurélie Boudet et Ekaterina Vidic. Il a été sélectionné pour la deuxième édition du festival Résonance, qui est un festival à Montréal. Ici, on parle de documentaire puisqu'il s'agit d'un format long. C'est un des critères pour dire que c'est un documentaire. Mais promis, bientôt, très très vite, je vais vous expliquer tout ce que c'est entre un documentaire sonore, une fiction sonore, un podcast, une carte postale. Je prendrai le temps qu'il faut pour vous expliquer tout ça, ce que j'en comprends en tous les cas. Avant de nous quitter, je souhaite remercier fort Clémentine Delahaut qui a autorisé la diffusion de cette création sur les ondes de la locale. Et merci encore une fois aux gens qui font vivre cette radio, autant les auditeurs, auditrices que les personnes qui fabriquent des émissions et celles qui font tourner l'administration. Allez, que vive la radio. On rembobine. À dans un mois.